Je me suis longtemps questionné sur ce qui se passait dans ma vie, les choix à prendre, si on le faisait pour nous ou bien pour les autres. Et en fait, avec le temps, surtout en grandissant, je me suis dit qu'on avait qu'une vie et que je devais la vivre à fond, tu vois. J'ai pas envie de regretter. Et au final, j'emmerde les gens et je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser de moi. J'avance et je fais ma vie. Sors de ma tête. Sans toi, c'est pas pareil. Non, j'fais pas la fête. Sans toi, c'est pas pareil. Marocain 43 rue, c'est les méchants. J'regarde dans le vide, mes souvenirs dans le néant. La voie de gauche, vois les lumières de la capitale. J'voulais faire trembler, danser tous les festivals. Y'a de la sativa, j'm'envole dans le ciel. La lumière sur moi, j'brille comme la tour Eiffel. Petit soleil, c'est avec toi que j'me sens bien. Les problèmes, on les remet à demain. C'est moi qui ramène la big, big scalap. Moi si j'avais tient encore sur un appart. Eh, hey, dans 6 mois tu travailleras plus. J'suis chez Chanel, tu peux prendre tout ce qui te plaît. J'ai la tête dans les problèmes, y'a le temps qui s'arrête. J'suis défoncé sous ganja, j't'emmène manger dans le set. Que serait un homme s'il n'avait pas sa femme? Y'en a qui perdent la tête juste devant des sommes. J'suis dans le Rudy, j'vis la vie d'un movie. Millions d'euros de musique dans les disques à movie. L'ancien n'a pas compris, il est tapis. J'espère que t'as du faible pour les outils. Eh, hey, ça va pas, y'a tout qui va mal. Personne pour m'envoyer là-bas. Viens avec moi, on se fait la mal. Viens avec moi, on se fait la mal. Ouais. Sors de ma tête. Sors, toi c'est pas pareil. C'est pas pareil.